notre belle habit noir. Qu'un autre se marie, moi je reprends ma foi. Je veux toute ma vie faire la loi chez moi. Je veux toute ma vie faire la loi chez moi. La loi, la loi.